Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais parler du phénomène que nous avons en ce moment dans les églises qui poussent comme des champignons dans nos quartiers. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui veut devenir homme de Dieu. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être évangéliste. Tout le monde, c'est comme si c'est devenu le boulot, un travail pour les chômeurs. Je dis bien travail pour les chômeurs. Beaucoup aujourd'hui se lèvent, ils s'autoproclament pasteur, révérend, général de Dieu, bishop, tout ce que vous voulez, archibishop, juste pour de l'argent. Tous les sorciers se sont embarqués dans cette affaire. Tous les voyants, les personnes qui faisaient de l'astrologie, tous les sorciers, si vous voulez, c'est tout le monde qui est pasteur aujourd'hui. Et ils ont compris que plus tu as une église des milliers de membres, plus tu auras de l'argent. Parce que si vous avez 4 000, 5 000, 10 000 membres, il y aura beaucoup d'offrandes le dimanche, il y aura beaucoup de dîmes. Parce qu'il faut comprendre que ces personnes sont là pour de l'argent. Ces personnes suivent l'argent. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Mais en réalité, c'est des gens qui suivent l'argent. Et comme ils ont compris que les hommes sont attirés par le surnaturel, ils ont compris. Vous allez voir ici, par exemple, en France, vous allez voir que les salles, il suffit qu'un magicien se lève, un magicien qui est connu de tout le monde, et qu'il va donner un spectacle dans une salle, même dans une salle de 5 000 places. En quelques jours, tous les billets sont déjà vendus. Parce que les hommes suivent le surnaturel. Et c'est pourquoi ces hommes, ils ont compris que pour fasciner les gens, pour épater le public, il faut que les gens voient les miracles. Parce qu'en voyant les miracles, les gens viendront. Les gens diront, vous avez de l'onction. L'homme de Dieu est puissant. Oh, cette femme-là a de l'onction. Donc, il faut des miracles. Et ces personnes, comme Dieu ne les connaît pas, ce n'est pas Jésus qui les a envoyées. Ils se tournent vers des grands marabouts. Il faut comprendre que le marabout, c'est quelqu'un qui pratique l'occultisme, c'est quelqu'un qui communique avec des esprits de mort, avec des démons, et qui peut, grâce à des techniques, à des incantations, établir une relation entre vous et une entité qui n'est rien d'autre qu'un démon. Et c'est ce démon, vous allez communiquer avec ce démon, en quelque sorte, ce démon sera à ton service. Ce démon sera à ton service, mais pour que le démon soit, cette entité soit à ton service, il réclame, comme d'habitude, le sang humain. Le sang humain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les marabouts de nos villages, les marabouts de nos quartiers, aujourd'hui, ont de l'argent. Parce qu'ils sont nombreux, les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, qui vont les consulter la nuit. Ça se passe la nuit, quand tout le monde dort. C'est là qu'on prend le rendez-vous chez le marabout. On va le voir la nuit. Et le marabout te dit, OK, pour que le fétiche soit efficace, il faut une tête d'homme. Il faut des organes humains pour que ça soit puissant. Et parfois, on vous amène, le marabout t'amène la nuit au bord d'un fleuve ou au bord de la mer. Il va invoquer les esprits des eaux, des sirènes. Il va invoquer les esprits des eaux. Et les esprits des eaux vont entrer en contact avec vous. C'est-à-dire que vous allez signer un pacte. Vous allez signer un pacte avec ces esprits des eaux. Et le pacte l'esprit peut te demander des bouteilles de sang humain. Il peut te demander un sacrifice humain à faire. Et ensuite, il te donnera des incantations qu'il va falloir réciter. Dans ton église, très tôt le matin, le plus souvent, entre 1 h du matin et 4 h, avant l'arrivée des fidèles dans l'église. C'est-à-dire, vous faites des incantations la nuit dans l'église, bien sûr, avec des bouteilles de sang humain, vous allez invoquer la sirène ou bien l'entité qui travaille pour vous. Parce que cette entité, pour bosser pour vous, pour que vous puissiez faire passer, c'est l'entité qui va faire des miracles. C'est l'entité qui va faire des miracles. Parce qu'en échange, vous l'avez offert. Du sang humain, une tête d'homme, un bébé, quelqu'un a été sacrifié. Le tout, C'est pour avoir, parce que c'est cette entité, c'est important de le dire, qui va envoûter les gens. Les gens qui viendront dans votre église seront comme hypnotisés. Ils seront envoûtés. Parce que le fétiche que le marabout te donne, il te dira, bon, tu vas devant ton église, tu le fais seul la nuit, il ne faut pas que quelqu'un te voie. Il faut creuser. Vous devez creuser devant la porte de l'église. Vous creusez devant la porte de l'église et vous allez s'aimer, vous allez mettre le fétiche et recouvrir le fétiche. Vous pouvez cimenter tout ce que vous voulez, mais le fétiche est en bas. Chaque personne qui traverse ce fétiche pour entrer dans cette église va se retrouver liée par l'envoûtement. C'est-à-dire que les personnes vont suivre cet homme de Dieu comme une mouche. C'est-à-dire qu'on peut leur dire que cet homme de Dieu est mauvais, c'est quelqu'un qui va dans l'adultère, c'est quelqu'un qui vole, il bouffe les offrandes de l'église. Tout ce qu'on peut dire sur cet homme de Dieu, ces gens-là trouveront toujours des excuses. Ah oui, parce que grâce à l'envoûtement qui provient du fétiche qui a été placé devant la porte, vous n'êtes plus maître de vous-même. Parce que cet homme de Dieu devient comme votre messie, vous devenez ses disciples. Quand vous apprenez qu'il fait une conférence là-bas, séminaire là-bas, vous courez, vous faites tout. Vous êtes même prêt à voyager pour aller là où il va prêcher. C'est-à-dire que vous ne regardez même plus ses œuvres. Jésus a dit, pour reconnaître les faux prophètes, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je vais prendre un homme que vous connaissez bien. Il s'appelle Makoso, Camille Makoso. Cet homme, au Bénin, Makoso est allé au Bénin et il a appris que un pasteur du Bénin avait fait un enfant avec la secrétaire d'un autre pasteur. Donc la secrétaire, le pasteur de la secrétaire s'est énervé, il s'est fâché contre le pasteur qui avait forniqué avec sa secrétaire. Il y a même eu un enfant. Donc Makoso est au courant de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pourquoi es-tu fâché contre lui? Mais qu'est-ce que l'autre a fait de mal? S'il a fait un enfant, il ne fait que remplir l'école du dimanche. C'est-à-dire que Makoso, lui, ne voit pas le péché. Il lui voit, pour lui, la fornication, il n'y a rien de mal. C'est juste pour remplir l'école du dimanche. Donc, vous avez des hommes de Dieu comme ça. C'est-à-dire le péché, ce n'est pas leur fait. Comment voulez-vous que ces gens condamnent le péché quand ils vivent eux-mêmes dans le péché? Ils ne peuvent pas. Donc, ces hommes de Dieu ont recours à des fétiches. Ce sont des marabouts, des maîtres voodoo qui sont leur seigneur. Leur puissance, ils la puisent là-bas. C'est là-bas qu'ils vont chercher la puissance. Et comme vous savez, Satan ne donne rien gratuitement. Un jour, Jésus-Christ faisait un jeûne de 40 jours. Le diable est venu le voir. Le diable lui a dit, regarde les richesses, les biens du monde. Si tu m'adores, je te les donne. C'est-à-dire que Satan ne donne pas gratuitement. Vous partez voir les marabouts. Le marabout, c'est l'intermédiaire entre toi et les puissances des ténèbres qui travaillent avec lui. Les puissances de sorcellerie. Et les puissances de sorcellerie vont te demander, c'est toujours le sang humain. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a des réseaux. Il y a des réseaux au Nigeria, au Bénin, au Ghana. Et ces pasteurs se connaissent. Et c'est pourquoi je disais dans la dernière... j'ai fait une vidéo dernièrement où j'ai insisté sur les chevaliers, les grosses barbes, hein, les hommes de Dieu qui ont des grosses barbes aux doigts, ce sont des chevalières. Ces chevaliers ont été travaillés chez le marabout. Ces barbes ne sont pas là comme un simple bijou. Ce n'est pas pour la décoration. Ce n'est pas un bijou. C'est une barbe qui a été travaillée par le marabout, hein, en échange du sang humain. Et quand cet homme porte la barbe, quand il touche les gens, en fait, la puissance qui fait tomber les gens vient de la barbe qui a été travaillée par le marabout. C'est pourquoi faites attention. D'autres vont voir le marabout. Il dit au marabout, bon, ok, voilà le sang humain que tu m'as demandé. Et le marabout lui dit, ok, tu m'amènes un mouchoir. Vous achetez le mouchoir de votre choix, la couleur, bleu, vert, tout ce que vous voulez. Vous amenez le mouchoir au marabout. Il te dit, tu viens chercher ce mouchoir demain. Il va travailler sur le mouchoir. Ce qui fait que lorsque vous prêchez, quand il s'agit de prier pour les gens, vous allez utiliser ce mouchoir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, certains hommes de Dieu, ils prêchent, il a un mouchoir à la main. Micro là-bas, un mouchoir ici, le micro ici, un mouchoir ici. Et vous allez remarquer que lorsque ce mouchoir touche les gens, ou bien quand il fait comme ça avec ce mouchoir, les gens s'écroulent par terre. C'est un mouchoir magnétisé. Ce mouchoir est doté de puissance. Parce que si vous dites à cet homme de Dieu, ok, vous lui donnez un mouchoir neutre, c'est-à-dire le mouchoir de quelqu'un dans l'assemblée, et vous verrez que l'homme de Dieu ne va pas accepter. Parce que c'est son mouchoir qui a été travaillé par le marabout. Parce que si vous lui donnez un simple mouchoir, il n'y aura pas de miracle. Les gens ne vont pas tomber. Donc, si vous dites, si ce serviteur de Dieu qui a une grosse bague, quand vous voyez des grosses bagues au doigt, je ne parle pas de la petite bague, la bague de mariage. Je ne parle pas de la bague de mariage. Je parle des grosses bagues. Parfois, le dessus, c'est noir. C'est-à-dire, les gros, ce sont des chevalières. Quand vous voyez un homme de Dieu avec ça, parce que ce sont des bagues qui ont été travaillées. Jésus ne portait pas de chevalière. Aucun disciple de Jésus n'avait une chevalière au doigt. Nous savons tous que les chevalières sont portées par des gens qui pratiquent l'occultisme. Par exemple, des francs-maçons. Vous allez voir des francs-maçons, ils ont des grosses chevalières. Des gens qui font la rose-croix, ils ont des grosses chevalières. Donc, les chevalières, ce ne sont pas des bagues simples. C'est des bagues travaillées. C'est des bagues travaillées. Quand vous voyez un franc-maçon avec les grosses bagues au doigt, c'est des bagues travaillées. Donc, ces marabouts, ces faux hommes de Dieu, ils vont voir les marabouts la nuit pour avoir ces trucs. Bagues, ça peut être l'eau bénite. Le marabout te dit, ok, tu m'amènes deux cartons d'huile d'olive. Et le marabout va faire des incantations la nuit. Avec le sang humain, il va invoquer les esprits. Avec le sang humain, parce que les esprits, eux, vont boire le sang. Et en échange, ils vont te donner des puissances qui feront que la bague est dotée d'une puissance, d'un pouvoir, que ce soit l'huile d'olive que tu as amenée, le faux homme de Dieu va vendre cette huile. Mais cette huile n'est pas simple. Ce n'est pas l'huile d'olive que tu as achetée au magasin. C'est pas ça. L'huile a déjà été travaillée la nuit. Donc, l'huile est déjà dotée d'un pouvoir occulte. Et tu vas remarquer que si tu achètes cette bouteille d'huile, tu la mets dans ta chambre, ne sois pas étonné si tu es visité la nuit par des femmes ou des hommes de nuit. Ne sois pas étonné si tu as des cauchemars. En fait, les esprits qui sont liés à cette bouteille d'huile, tu les as entraînés dans ta chambre. C'est pourquoi la nuit, quand tu dors, tu vois des choses bizarres la nuit, des cauchemars, des esprits qui viennent coucher avec toi. Ces esprits sont liés à la bouteille d'huile. Parce que cette bouteille d'huile, le marabout a fait des incantations dessus. Une incantation a pour but de lier à la bouteille d'huile ou à la barbe ou à un mouchoir un esprit, une divinité. Ce qui fait que lorsque tu utilises cette huile, cette barbe, ce mouchoir, c'est la divinité qui agit. C'est ça le pacte qui a été signé entre toi et la divinité par l'intermédiaire du marabout. Le marabout n'est qu'intermédiaire. En fait, donc c'est cette divinité qui travaille pour toi, ce qui fait que, à un moment donné, comme vous le savez, les choses du diable ne sont pas éternelles. La puissance de la bague ou du mouchoir ou de l'huile commence à diminuer. Comme tu ressens que ce n'est plus puissant comme au début, tu repars la nuit voir le marabout et tu lui dis, voilà, patron, c'est plus efficace. Le marabout te dit, ok, c'est plus efficace. Alors, je vais consulter les esprits. Viens me voir demain. Il consulte les esprits, puis il te dit, voilà, les esprits demandent 10 litres de sang, les esprits demandent un sexe d'homme, les esprits demandent la langue, les esprits demandent un vagin de femme ou les esprits demandent un cœur d'homme. Tu amènes ça et puis tu repars au temps. Et le marabout, le faux homme de Dieu, le prophète, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les petits voyous qui traînent dans le quartier. Il leur dit, ok, je vous donne 5 millions, trouvez-moi une tête d'homme. C'est pourquoi il y a des crimes partout. C'est pas le faux homme de Dieu qui va aller agresser quelqu'un et couper la tête. Non, ils vont trouver des petits voyous qui fument le cannabis, qui des drogués du quartier, des gars qui passent leur temps toute la journée dans des bistrots. Voilà, il va consulter ces gars, leur dit, ok, moi je suis prêt à vous donner 4 millions, trouvez-moi la tête d'un homme. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont ces voyous-là qui vont faire un crime et ils vont lui ramener la nuit la partie qu'il désirait avoir, si c'est la langue, si c'est un sexe, si c'est une tête d'homme, si ce n'est que le sang. C'est ce qui se passe, c'est les voyous qui vont tuer. Ils viennent voir le pasteur la nuit. Une fois que le pasteur a la livraison, lui, à son tour, va aller voir le marabout. Il dit, voilà, tu m'as demandé une tête, tu m'as demandé un vagin, un sexe d'homme, voilà, c'est là. Et lui, le marabout, va faire des incantations. Il va demander à des esprits de travailler pour le pasteur. Et vous allez voir, il fait seulement la main comme ça, les gens tombent, il crie au micro, les gens tombent, il souffle sur le micro, les gens tombent tout seul. C'est un pacte. C'est pas de Dieu. Ce que vous voyez là, c'est pas de Dieu. La Bible dit que Jésus, à plusieurs reprises, était devant, se retrouvait devant les foules. Jamais vous avez vu Jésus devant une foule en train de faire tomber les gens, il fait des trucs comme ça, les gens tombent. Jamais, jamais ça n'existe dans aucune Bible. Or, Jésus a dit, le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. C'est Jésus le maître. Il a dit, le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. Mais c'est quoi ces hommes? Même le maître, lui-même Jésus, jamais on n'a vu le maître faire comme ça, les gens tombent. Il soulève le pied, les gens tombent. Le maître n'a jamais fait ça. Or, Jésus nous a dit qu'il est le chemin. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont appelés à suivre ce chemin. C'est-à-dire que toute pratique, même s'il y a un miracle au bout du tunnel, toute pratique qui n'est pas biblique ne vient pas de Jésus. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a sa façon de faire. Jésus ne change pas. Mais quand vous voyez tout ce qui est spectacle, on fait la main comme ça, on soulève le pied, les gens tombent. On crie comme ça, les gens tombent. Satan est un champion du spectacle. Le diable aime le spectacle. Donc, quand vous voyez les gens faire ça, ils travaillent avec la puissance de Satan. Satan a une puissance. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres. Ce sont des puissances. Ils ont une onction aussi, ces puissances-là. Donc, quand vous tissez des liens, des pactes avec ces puissances, il y a des choses qui arrivent. L'emboutement, l'hypnose, ces puissances font des choses. Le sorcier qui va en vampire la nuit, ce n'est pas avec la puissance de Dieu. C'est avec la puissance des démons qu'il va en vampire. Donc, ce sont des puissances. Et vous vous souvenez qu'en Égypte, lorsque Dieu a décidé de délivrer son peuple de Pharaon, Dieu faisait des miracles à travers Moïse. Et les mages, je veux dire les marabouts de Pharaon, eux aussi répliquaient par des miracles. Mais qui faisait des miracles par les marabouts de Pharaon? Ce n'était pas Dieu, c'était Satan. Donc, Satan aussi, lorsqu'on signe des pactes avec lui, il peut te donner le pouvoir de faire des miracles. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 24, que dans les temps de la fin, ils seront nombreux les faux prophètes. Et Jésus dit, ils feront des miracles pour séduire. Et Jésus a dit, une grande foule va les suivre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les gens suivent les miracles. Les gens n'examinent plus la Bible. Est-ce que ce qu'il fait est biblique? Est-ce que ce qu'il vient de faire est biblique? Non, non, non. Les gens sont seulement attirés par les miracles. Mais le problème, c'est quoi? Quand plus tu vas être assuré, tu vas suivre ces miracles, plus un jour, la mort va te frapper, accident de voiture, agression et tout ce que vous voulez. Et comme tu n'étais pas en liaison avec Dieu, tu vas perdre ton âme et tu sais toi-même où tu vas aller après. Parce que il y a les ténèbres, il y a la lumière, il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc, Satan fait des miracles à travers les faux hommes de Dieu pour séduire le plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole de Dieu seule ne suffit plus. Les gens courent derrière les miracles. Et Satan sait que plus vous courez derrière les miracles, plus il va vous embouter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces faux hommes de Dieu, je vais terminer par ça. Je vous ai bien dit, s'il vous plaît, retenez-le. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quelle église tu fréquentes. Je ne sais pas qui est ton pasteur. Cet homme-là que tu appelles papa, papa pasteur, papa pasteur. Je te dis et je te répète, le jour où tu vas mourir et que tu vas te retrouver devant Dieu, tu ne pourras plus dire à Dieu, je ne savais pas. Je t'informe qu'il faut regarder les doigts. Si tu vois une grosse bague, parfois noire, c'est une chevalière, c'est une bague travaillée chez le marabout. Aucun disciple de Jésus ne portait une bague. Les bagues, c'est les francs-maçons, les rosicruciens et les gens qui font des trucs ésotériques qui portent des grosses bagues. Et même les bagues que vous voyez là avec les francs-maçons, c'est des bagues travaillées. Parce que, donc j'étais en train de vous dire, si vous voyez un homme de Dieu avec une grosse bague, essayez de le voir seul. Dieu dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Mais est-ce que tu peux enlever la bague? Tu pries pour moi après. Il ne va pas accepter. Parce que son pouvoir, le pouvoir qu'il a du marabout est lié à la bague qui a été travaillée par lui. Parce que sa puissance vient de cette bague. Parce que cette bague est liée à des esprits grâce aux incantations que le marabout a fait la nuit. Donc sa puissance ne vient pas de Dieu, sa puissance ne vient pas du Saint-Esprit. La puissance de cet homme de Dieu vient de la bague qu'il a au doigt. Donc si vous voyez un homme de Dieu, pour prier pour les gens, il se sert des mouchoirs. Je vous dis bien qu'il se sert des mouchoirs. C'est un mouchoir qui a été travaillé. D'autres hommes de Dieu portent des chaînettes avec une croix. Ces chaînettes avec croix sont travaillées aussi chez des marabouts. Parfois, Certains hommes de Dieu laissent cette chaînette dehors avec la croix, d'autres la glissent dans la chemise. C'est-à-dire, vous le voyez en costume, mais la chaînette est en bas. C'est des chaînettes travaillées aussi. C'est-à-dire, ils portent des trucs qui ont été travaillés, qui sont liés à des esprits. Ce qui fait que lorsqu'il utilise son mouchoir, c'est des entités liées à ce mouchoir travaillé, ce mouchoir magnétisé. Ce sont ces entités-là, si vous voulez, qui sont des démons. C'est eux qui font tomber les gens par terre. Et quand la puissance de cet homme de Dieu va commencer à diminuer, il va repartir la nuit voir le marabout pour que le marabout renforce les batteries, remplisse les batteries. Et c'est toujours sous condition. Et lui, va, qu'est-ce qu'il fait? Il va revoir les petits boyaux du quartier. Il dit, bon, ok, bon, je vous propose 5 millions, je vous propose 2 millions. Trouvez-moi un vagin de femme, trouvez-moi la langue d'un homme, trouvez-moi le cœur d'un homme. Vous me ramenez ça la nuit et moi, je vous donne 5 millions. Donc, tous les petits boyaux du quartier, c'est pourquoi vous trouvez des corps de gauche à droite, parfois des corps dépecés, on a prélevé les organes. Vous pensez que les organes là vont où? Parce que ceux qui ont besoin des organes humains, toute personne qui travaille avec le diable exige des organes humains. C'est pourquoi vous voyez, des organes humains sont demandés dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans des trucs ésotériques. Les organes humains sont aussi demandés chez les marabouts pour avoir le pouvoir et la puissance. Parce que quand un ministre ou un président a envie de dominer les gens, d'influencer les gens, il est en relation avec des grands marabouts, et, ou bien il est en relation avec des loges occultes. Et dans les loges, on va lui dire, amène le sang humain. Satan est le même que tu le rencontres dans une loge, que tu le rencontres chez un marabout, que tu le rencontres chez un voyant. Le diable, c'est le diable, il ne change pas. Il demande les mêmes trucs. Il demande, peu importe là où tu le rencontres, que tu le rencontres en sorcellerie, Satan est le même. Il va te demander les mêmes choses, c'est-à-dire des âmes, le sang humain. Parce que l'âme d'une personne est lié à son sang. Satan demande le sang parce qu'à travers le sang, c'est les âmes. Donc, peu importe là où tu rencontres le diable, que ce soit dans une loge de Rose-Croix, les pratiques sont différentes, mais c'est les mêmes esprits qui font les mêmes demandes. Donc, ces hommes de Dieu, comme Satan ne donne pas sa puissance gratuitement, il demande toujours le sang humain en échange de son pouvoir. Et une fois, et qu'est-ce qu'il fait? Ce pouvoir va commencer à diminuer, parce qu'il veut que vous repartiez le voir et il va vous demander de nouveau le sang humain. Et comme ces hommes de Dieu, je vous dis, ces hommes, je répète, si vous voyez les mouchoirs d'utilisation du mouchoir, vous voyez, il impose les mains aux gens, regardez les doigts, vous voyez une grosse bague, parfois noire, hein, c'est des cheveux, c'est des bagues, c'est, la bague là a été travaillée, oh. Je ne fais que vous répéter que la bague là a été travaillée, oh. Tu ne pourras plus aller dire, parce que quand il va te toucher là, tu tombes. Tu es sous le pouvoir des démons qui sont liés à la bague. Ce sont ces démons-là qui te font tomber. Et quand la puissance de la bague va baisser, il va repartir la nuit voir le marabout. Et le marabout va encore demander un sacrifice pour renforcer la puissance de la bague. C'est la même chose pour les hommes de Dieu qui utilisent le mouchoir. D'autres utilisent une grosse chaînette. D'autres amènent des huiles d'olive, que vous appelez huile d'onction. Il les amène dans les voies des marabouts la nuit et le marabout va travailler ces huiles-là. Donc, ces faux hommes de Dieu ont compris que plus l'homme va voir les miracles, plus les foules viendront et plus leurs églises vont se remplir, 2000, 4000, 5000 membres, plus ils auront beaucoup de dîmes et d'offrandes. Parce que c'est l'argent, ils sont en train de suivre l'argent. Plus ils auront des dîmes et des offrandes, plus ils vont vivre dans le luxe. Quand ils voyagent, ils sont en première classe, hein, ils ont la voiture. Dernier cri, voilà quoi, ils suivent que l'argent, eux-mêmes ne sont pas sauvés, puisqu'ils traitent avec des marabouts. Ces gens ne sont pas sauvés, c'est pourquoi ils ne peuvent pas vous parler du salut. Et vous voyez que ces hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils parlent de la prospérité, ils parlent toujours de miracles, de miracles, de miracles. Ils ne vous parlent que pour les choses de la terre. Ils ne peuvent pas vous parler du salut, puisque eux-mêmes ne sont pas sauvés. C'est pourquoi vous ne les verrez pas attaquer le péché. Vous ne verrez pas condamner l'adultère. Vous ne verrez pas condamner le mensonge, le vol. Ils ne condamnent pas le péché. Parce qu'eux-mêmes, tous les jours, vivent dans le péché. Vous avez certains de ces hommes de Dieu, même si parfois il est marié, mais il a des copines dehors. Parfois, il fait des enfants dans la chorale. Il couche avec les femmes de l'église. Certaines personnes tombent enceintes. Ils ont des copines au quartier. Parce que voilà des gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Donc, ils ne peuvent pas vous prêcher la sanctification puisque eux-mêmes ne vivent pas dans la sanctification. C'est pour vous dire que vous devez faire très attention. Bien aimé, je vais terminer par là. Méfiez-vous des hommes de Dieu qui sont devant vous, bien habillés. Hein. Ce sont des gens, en tout cas, ils s'habillent classe. Ils s'habillent classe. Franchement, quand vous les voyez, ils s'habillent classe. Regardez les doigts. Je vous répète que regardez les doigts. Regardez s'il utilise un mouchoir. Regardez s'il a des huiles d'onction qu'il vend. Je te dis que toi qui achètes une bouteille d'huile là, l'huile là n'est pas saine. C'est pas la bouteille qu'on vend au magasin, hein, au supermarché. La bouteille qu'il te vend là a été travaillée par son marabout. La bouteille là, il a été travaillée par son marabout. Donc c'est pas de l'huile d'olive saine. Voilà. Donc c'est une bouteille. Tu vas être, à plus tu vas utiliser cette huile, plus tu rentres dans l'envoûtement et tu deviens comme comme un guignol. C'est-à-dire, tu suis l'homme là bêtement. Il devient. C'est-à-dire, tout ce qu'il te dit, tu exécutes sans même vérifier dans la Bible si cela est biblique. C'est-à-dire, il te dit ça, tu exécutes, tu fais ça, tu exécutes, tu fais ça, tu exécutes. Tout dernièrement, j'ai appris qu'un pasteur nigérian, il est au Kenya. Arrivé au Kenya, il reçoit des jeunes femmes et il dit aux jeunes femmes que Dieu m'a dit de prélever le jus des seins de femmes. C'est-à-dire, en particulier, des jeunes femmes qui n'ont pas encore fait d'enfants. Et on voit dans la vidéo des jeunes filles qui viennent, torse nu, qui viennent devant cet homme, il est assis, il presse les seins et il prend le liquide qui sort là. Il le prend dans un verre. Chaque fille, on voit les filles qui font la queue, il presse, il prend le petit liquide qui sort dedans dans un verre. Mais ce que ces jeunes filles ne savent pas, c'est que le petit liquide là, c'est ton sang. Et l'homme là va aller faire une incantation. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans votre... Certains vont mourir par des accidents bizarres, des maladies bizarres. D'autres ne vont pas mourir, mais... Satan les a dépouillés. C'est-à-dire, on a tout pris, tout ce qui était en toi. Et vous, tu vas être éternelle demoiselle. Des hommes viennent coucher avec toi. Tu ne trouves jamais de mari. Le travail, ça ne marche pas. De toutes les façons, à partir du moment où tu as donné à ce faux homme de Dieu le liquide en question, il va aller travailler dans les fétiches. C'est-à-dire, il va demander à des esprits. Il va faire des incantations en demandant à des esprits d'aller récupérer dans la vie de ces jeunes filles tout ce qui était bien dans leur vie. Tout, tout. Et ces jeunes femmes verront, ça je le dis déjà, j'allais dire, ils verront des relations sexuelles la nuit avec les hommes de nuit. En tout cas, ça c'est clair. Et ils verront des démons venir coucher avec elles. Ils verront même l'homme de Dieu qui a touché à leur poitrine, lui-même aussi venir coucher avec elles. Ça c'est clair, parce que grâce à ce qu'il a prélevé de toi, il va établir un lien spirituel entre toi et lui. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut casser ce lien. Tu peux aller voir tous les marabouts du monde, tous les charlatans. Il n'y a que Jésus qui peut casser un lien que Satan a tissé. Donc, je suis en train de vous dire, bien-aimés, méfiez-vous. Les loups sont dans l'église. Les loups sont, les faux prophètes sont dans les églises. Faites très attention. Ils sont nombreux. Faites attention. Ne faites pas des choses bêtement parce que l'homme de Dieu a dit, papa pasteur a dit non. Prenez le temps de vérifier dans la Bible, est-ce que ce qu'il me demande de faire est biblique? Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Que Dieu vous bénisse.